Dans la famille Petit Bonhomme, tout le monde est passionné de danse et de musique. Maman et papa, et les enfants bien sûr, qui aiment la musique un peu plus moderne, chez Bro. Quant à grand-père, un brin aristocrate, il préfère entraîner mamie dans les danses de cour. Nous le retrouvons d'ailleurs en train de s'initier au menuet avec son maître de musique et son maître de danse, car il va y avoir un grand bal auquel sont conviées toutes les familles du quartier. Et surtout que le ballet soit beau. Vous en serez contents, et entre autres choses de certains menuets que vous y verrez. Ah, les menuets sont ma danse, et je veux que vous me les voyez danser. Allons, mon maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. La la la la la la la la la la la. Allez jouer plus loin. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le jazz? Ah, ça se danse, ça. Mais non, les enfants, mais allez jouer plus loin. J'aime déjà mieux ça. Ah, la Java, oui, ça me rappelle quand j'ai connu Héloïse. Yuppie! Ah non, les enfants, arrêtez cette musique de sauvage! Mes enfants, jamais je n'aurais pu connaître votre grand-mère en dansant comme ça. Mais c'est pas mal, c'est qui, ouais. Ça vaut pas le meublé quand même.